Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, sur les ondes du 93.6. On fait notre rentrée de pré-automne comme on avait fait notre sortie d'été, c'est-à-dire qu'on est présent en direct dans les studios. Alors oui, on a une heure d'avance, mais du coup l'émission va non pas faire deux heures, mais deux heures et demie. Voilà, on est ensemble en direct jusqu'à 22h30. On est présent, toute l'équipe, hein, toujours l'ami Sylvain à la tech, moi-même à la présentation générale, et on va retrouver Thibaut pour différentes interventions tout au long de l'émission, notamment ces fameuses présentations de Focus. Donc voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cette reprise en septembre 2021. Tout de suite, place à la musique, parce qu'on a plein de choses à s'écouter, donc on va pas s'endormir dessus. Première doublette de l'émission d'aujourd'hui, At The Gates, les vétérans du Melodeath venus de Suède. Ils sortent leur nouvel album The Nightmare of Being. Ce nouvel effort de At The Gates est bien évidemment déjà disponible. La plupart des choses qu'on vous diffusera dans l'émission de ce soir, c'est des trucs qui sont sortis cet été ou tout récemment. Donc voilà, At The Gates, nouvelle sortie studio signée Century Media. Et dans la foulée, on s'écoutera Wolf in the Throne Room, un des piliers du Cascadian Black Metal, Black Metal très particulier venu des États-Unis. C'est le 7e album studio, Primordial Arcana. Wolf in the Throne Room, nouvelle sortie également Century Media. At The Gates, on va s'écouter le titre The Abstract Enthrone, et Wolf in the Throne Room, on va s'écouter le titre Primal Chasm. Bienvenue dans l'émission, c'est parti pour la musique. Yeah, La suite de la diff, on est sur des pas du tout récentes formations, on est même presque sur de l'EHPAD metal. Iron Maiden, bien sûr les ultra vétérans, ultra cultes anglais qui sortent leur 17e album studio, à pas grand chose près, pile poil 6 ans après The Book of Souls. Et donc on est de nouveau sur un format proche d'un double album. C'est d'ailleurs la petite recommandation qu'on se permet de vous faire, voilà, pour le fait qu'il soit sur deux scuds, écoutez-le en deux fois. On est sur un truc de 80 minutes, 10 titres, on est toujours sur du heavy proguisant, on est malheureusement sur une prod qui ne rend pas du tout hommage à la qualité de compo de Maiden, même s'il y a forcément un petit peu de redondance et voire même sur certains titres de recyclage avec des anciens morceaux. Voilà, et dans la doublée de Iron Maiden qui nous sort donc son Senjutsu, on va s'écouter un extrait du nouvel EP de Sodom. Oui, Sodom qui a beaucoup défrayé la chronique, mais bon, on ne fera pas la petite blague de sans le disait dans le débat, parce qu'on en a un peu rien à foutre et qu'on est surtout pas du tout concerné. Sodom qui sort son nouvel EP Bombenagel, il est déjà dispo sur la belle Steamhammer SPV. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette EP? Donc, trois titres, deux titres exclus, hein, des vraies nouveautés, et l'enregistrement du tubesque Bombenagel qui était sorti initialement en 87 sur l'album Persecution Mania. Voilà, donc pour la présentation de la doublette à venir. Iron Maiden, on va s'écouter The Writing on the Wall. C'est tout simplement le premier extrait qui était diffusé. Et Sodom avec un titre en français, enfin, il n'y avait que le titre du morceau en français, hein, avec le titre Coup de grâce. C'est parti. We'll be right back. Tom Angel Reaper vraiment au top du top de sa forme vocale. C'est vraiment un putain de rebondissement qu'ils nous ont fait dans leur discographie là de, bon, de depuis quelques années hein, déjà maintenant entre les EP et les albums hein, c'est ce qu'on disait hors antenne, un riffing putain de tranchant et d'efficace, une batterie qui est bête et méchante et un chant plus vénère que jamais. 20h25 hein, la pendule de Radio Béton, vous êtes bien dans la reprise d'Hellbanger hein. Pour rappel, on a entamé une heure plus tôt que d'habitude, mais on finira aussi une demi-heure plus tôt parce qu'en fait on s'offre 2h30 d'émission. Et, c'est tout simplement la prise de parole de l'ami Thibaut qui vient nous présenter son premier focus de la reprise. Salut. Ouais, salut. Alors, qu'est-ce que tu viens nous présenter ce soir ? Et bah pour ce soir, c'était une sortie que j'attendais avec impatience, car en plus c'était repoussé parce qu'elle devait sortir au tout début de l'été, et finalement elle est sortie qu'en août. Donc l'excellent groupe de black metal allemand, Agrippny, qui vient là de sortir son 6e album. Donc ceux qui les connaissent pas, c'est un groupe de post-black qui a une tendance au prog, même si bon, ça reste relativement supportable, on va dire, pour moi qui suis pas spécialement amateur du style. Donc ouais, sous-entendu, ça reste assez stupide. Hein. Non, pas du tout. Non, ça reste très léché la musique de. Ouais, de voilà. Agrippny. Donc le groupe, il est formé en 2004, comme je disais, c'est leur 6e album. Pour moi, les premiers albums sont, enfin, de toute façon, il y a pas grand-chose à dire en termes de solidité de la discographie. Je noterai surtout l'excellent album. Alors, je vais écorcher les noms parce que c'est en allemand, tu me corrigeras. Grenzganger, qui est sorti en 2018, que je trouve vraiment énorme. C'est tout à fait honorablement prononcé. Bon, bah super. Donc ouais, ça c'est le précédent album donc, qui est sorti il y a déjà 3 ans. Et surtout l'excellent Aetas Sineris, qui est sorti en 2013 et qui lui est pour moi vraiment la petite pépite du groupe. Un petit bémol sur leur deuxième album, si je dis pas de bêtises, Exit, qui est, bon, sans être mauvais, qui est loin d'être celui que je recommande à écouter en premier du groupe. On a eu un line-up qui est assez mouvant et qui a l'actuel en fait, il date de 2019, donc il a pas mal évolué et apparemment avec des remaniements assez bruts au cours de leur carrière. Toujours est-il que le chanteur guitariste fondateur du groupe Thorsten, il est à noter que il est également dans le groupe Noctes Obduktka, que j'ai écouté et qui est vraiment chouette. Alors c'est un peu black assez avant-gardiste et pas facile à digérer, mais des quelques extraits que j'ai écoutés, j'ai découvert le groupe et ça a l'air vraiment sympa. À noter que la voix me fait toujours autant penser à la voix du chanteur de Harakiri for the Sky, et c'est pas étonnant parce qu'on retrouve justement que donc Thorsten a fait des sessions dans le groupe en tant que chanteur. Et à noter également qu'il a joué dans l'excellent groupe également autrichien comme Harakiri for the Sky, Anomaly, où il était guitariste session également. Voilà, en termes de présentation déjà du line-up un petit peu et du groupe en lui-même. Ouais, ce que je regardais un petit peu, c'est vrai que le line-up actuel, bon, à part bien sûr Thorsten, sinon les autres viennent de... Voilà, c'est que des icônes expérimentées, mais pas forcément de formation... à notre petit niveau qui vont me parler, à part le batteur qui a cogné dans Shamash. Sinon c'est vrai que ça reste assez underground et voilà, ça doit être somme toute des icônes de grande qualité pour se retrouver dans un projet tel que Agrippny. Ouais, je pense que clairement, enfin, dans l'approche qu'a Agrippny, je pense que le fondateur a juste son mot à dire sur tout ce qu'ils font. Et ça doit justifier l'espèce de cohérence malgré le côté line-up, et je pense qu'on a plus affaire à des mercenaires qu'à réellement des membres à part entière du groupe, en tout cas de la composition. À noter, donc j'ai fait une petite recherche quand même, que Agrippny, alors je connaissais pas, c'est un mot qui est français également, c'est une perte totale ou prolongée du sommeil. Clairement, c'est quelque chose qui m'a parlé, je me suis senti un petit peu concerné par le groupe rien qu'à travers ça. Et donc voilà, c'est toujours une musique aussi viscérale, qui prend aux tripes, introspective et captivante, et je trouve que, encore une fois, le nom du groupe colle parfaitement. À noter que la pochette également est plutôt sympa, je trouvais assez réussie. Avec un côté très nature et très à la fois nature et tribal dedans. Oui, c'est vrai que c'est assez minimaliste. Hein. C'est une photo et en même temps un minimalisme très riche. Hein. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est vrai qu'au coup d'œil, on se dit ouais, bon bah c'est voilà, c'est juste un type qui se tient une roche mousseuse. Et en fait, non, il y a beaucoup plus à retrouver dans l'art photographique de cette pochette d'album. Je suis assez d'accord. Ouais. Et donc voilà, alors bon, bah, au niveau de l'album, je vais répéter ce que je peux dire systématiquement au niveau de Agripnis. C'est un groupe qui fait partie des meilleurs du style. Donc en post-black, pour moi, c'est dans le top des groupes dans ce style-là en particulier. Que dire dessus ? C'est toujours aussi riche au niveau des compositions. On est loin d'avoir en permanence le même riff et les mêmes mélodies qui tournent en boucle, et c'est toujours aussi plaisant. Je trouve que l'allemand apporte toujours quelque chose d'incroyable dans leur travail musical, que ça soit au niveau de ce côté très rugueux, très puissant, mais qui gagne également en émotion, en fait. Et t'as vraiment quelque chose qui te, encore une fois, qui te prend au trip, qui t'embarque. C'est vraiment l'émotion brute, en fait. Enfin, y a pas de fioriture. Et paradoxalement, musicalement, c'est hyper soigné. Voilà, c'est toujours. Encore une fois, j'ai pas grand chose à dire dessus, dans le sens où, bon, l'album, pour moi, il sort pas du lot de ce qu'a fait Agripnis. C'est juste encore une fois une réussite de la part du groupe, et je vais lui reprocher toujours la même chose par rapport à ce que je peux reprocher à tous les albums d'Agripnis. C'est trop long, c'est plus d'une heure systématiquement, entre 1h et 1h15 d'album. Même si c'est introspectif, je trouve que ça traîne en longueur des fois. C'est marrant parce que du coup, Agripnis, pour ce que ça signifie, ils ont quand même un morceau qui s'appelle Mélatonine, hein, qui est un médicament qui aide du coup à trouver le sommeil, donc c'est assez marrant. Et est-ce qu'on retrouve toujours une... Alors, je l'ai pas du tout écouté, cet album d'Agripnis. Est-ce qu'on a toujours une comment dire, un soutien d'orchestration? Ouais, parce que, toujours. Je les trouve. Enfin, du coup, c'est Storsson qui fait ce travail énorme de composition, orchestrale. C'est incroyable. Ouais, bah, c'est toujours aussi grandiose. Peut-être moins, justement, il y a ce côté un petit peu plus nature et viscéral dans l'album, un peu. Peut-être moins présent en termes d'orchestration, mais ça reste quelque chose de magistral quand même, au niveau de ce qu'il propose. Très bien. Et ben voilà, on vient de se donner très fort envie de s'en écouter un extrait de ce Agripnis. Voilà, donc premier focus de l'émission d'aujourd'hui. L'album est déjà dispo chez Art of Propaganda Records. Il s'intitule Metamorphosis. On va s'écouter le titre Verwüstung. Pourquoi ce morceau ? Alors là, c'est ce que je disais à Sylvain en arrivant, ça a été très dur pour moi de choisir un morceau en particulier, parce que pour moi ça reste quelque chose qui s'écoute en un bloc, et l'album il doit se digérer en entier, je trouve. Pourquoi ce morceau ? C'est simplement le morceau que le groupe a choisi de présenter tout seul, et que pour moi, bon, ça permettait de respecter un petit peu la démarche que le groupe a choisi. Et voilà, c'est le morceau qui a été clippé, c'est le premier morceau qu'ils ont proposé. Et ben c'est parti pour s'illustrer ce premier focus Agripnis. Voilà, Agrippini, c'était l'illustration du premier focus de l'émission d'aujourd'hui. On enchaîne avec une doublette. Prévoyez la ventoline. Audit Menace enchaîné à Portal. Audit Menace, excellent groupe de dégoulinant Doom Death qui nous vient de Finlande. The Tritonus Bell, c'est le nom de leur sixième album studio. Audit Menace, une sortie en plus sur label français Season of Mist. Et dans la foulée, Portrait, une sortie Metal Blade. Portrait, oh là là, autant pour moi, putain, j'ai confondu avec Portal. Oh là là. La fatigue, déjà. Putain, c'est moche. Portrait, donc, ça nous vient de Suède. C'est du heavy, donc c'est un peu plus respirant que Portal. Cinquième album studio, At One With None. Pareil, album déjà dispo. Those Who Absorb the Night, signé Audit Menace, enchaîné à Phantom Thrummer, signé Portrait. C'est parti. Retour et enchaînement avec le blabla avant la doublette suivante. Nous avons tout d'abord les Ricains de Wanderer. On est dans du chaotic hardcore, grindy sludge. Le groupe a une dizaine d'années d'existence. Après de nombreux splits, autres EP, compilations live, etc., ils sortent leur premier véritable album, entre très gros guillemets, longue durée, Liberation from a Brutalist Existence, donc longue durée, encore une fois, entre très gros guillemets, hein, 10 titres, une bonne vingtaine de minutes. C'est ultra vénère, c'est ultra violent, c'est très très bien fait, c'est forcément très agréable à écouter. Et en doublette avec Wanderer, on s'écoutera encore de la violence, avec le troisième album studio des Anglais de Craven Idol. On est sur du pur trash black. Froky the Tongues, c'est le nom de leur donc troisième album studio. Voilà, les présentations sont faites musicalement et visuellement. Craven Idol, ils se sont offerts une magnifique pochette. Eliran Cantor, hein, bien sûr, que l'on voit sur beaucoup d'artwork du genre. Qu'est-ce qu'on peut vous citer? Bah tiens, un des derniers en date, Arkspire, par exemple. Il a notamment bossé avec Crowbar. Enfin voilà, c'est XDO, j'ai vu passer Despised Icon, enfin voilà, Flesh God, enfin voilà, que des artworks absolument magnifiques pour ce talentueux dessinateur. Voilà donc pour la doublette de haine et de violence, Wanderer, on va s'écouter le titre Simone, et Craven Aldol, on va s'écouter le titre Arwen Age. C'est parti.